Aïlo qui m'aimait très bien du vrai amour. Elle m'a laissé tomber au kabamba moteva. Oh, mon cœur est brisé. Oh. Aïlo, arrête-toi, oh chéri, Aïlo. Si tu fais un seul pas, Aïlo, tu vas piétiner mon cœur que j'ai jeté à tes pieds. Réchis-toi et ramasse le cœur de mi-amant. Kabamba, kabamba, kabamba. appelle sans réponse vient me consoler. Wailo ye ye ye, wailo ye ye, quand tu m'es mal aimé, wailo ye ye.